disponible à l'écoute depuis la Freebox Révolution, rubrique Web Radio, depuis iTunes, menu Internet Radio, rubrique Top 40, depuis la page Facebook d'Accro Radio, facebook.com/accroradio, dans la rubrique Écoute-nous, et bien sûr, sur le site de la radio, accroradio.com. Radio décline toute responsabilité sur les conneries que vous allez entendre. Nous ne sommes pas non plus responsables des conséquences psychologiques que vous pourrez avoir durant cette émission. Vous restez quand même ? On vous aura prévenu. Allez, bienvenue les amis, bienvenue à tous et à toutes sur Accro Radio. Il est 20h passé de 35 minutes, on est un peu en avance pour le live de ce soir, mais c'est pas grave les amis. On va y aller gentiment, doucement mais sûrement avec la programme musicale 100% vinyle que je vous ai préparé ce soir. Les amis, que du vinyle de ma collection personnelle, de la collection personnelle d'Accro Radio surtout. Voilà, on vient de s'écouter Luna Parker avec Tes états d'âme Eric, repris par un petit peu tout le monde. Voilà, je vous montre la pochette hein, sur Facebook. Ah, malheureusement, en radio, je peux pas vous le montrer, mais voilà. Hein, le cœur y est, www.accroradio.com pour le son et facebook.com/accroradio pour avoir l'image, pour nous voir directement en direct. Hein, voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine, les amis. On est ensemble donc jusqu'à 23h, voire minuit, si vous êtes sages et si la programmation vous plaît, bien évidemment. N'hésitez pas à nous le faire savoir, hein, que vous aimez ou pas, hein, bien évidemment. Et on continue. Enfin, du moins, on va commencer ce petit live, les amis. Toujours en vinyle, les Bonnet-M. Avec le Summer Megamix. J'adore ce truc. On se retrouve dans quelques instants. Bienvenue à tous. Hooray, hooray. Radio. Ah, je vous l'avais promis depuis un petit moment, celle-là. Et ce soir, je crois que c'est la bonne. Secret Service, pardon. Flash in the Night. Souvenez-vous, la version originale de l'émission de Pierre Belmar. Thank you. ce soir, on a ressorti les vinyles du grenier d'Accro Radio, les amis. Quand il y a des grandes radios qui disent que c'est les seules à le faire, ça me fait bien rire. Accro Radio. www.accroradio.com. Sait faire des choses, et c'est pas parce qu'on n'est pas en FM qu'on ne sait pas le faire. www.accroradio.com. Venez nous rejoindre sur le chat. Yeah. Allez, on va faire un petit clin d'œil aussi à la Guadeloupe qui nous écoute. On va faire un petit coucou à Véronique qui est avec nous. Et un peu de son soleil, ça fait du bien. Ça va toujours les amis. Ah, je vous l'avais dit hein. Sortez la boule à facettes, je m'occupe du reste. Et tu recherches une web radio sympa? Ça tombe bien, Accro Radio recrute. Envoie-nous un mail à l'adresse recrutement@accroradio.com ou connecte-toi sur la page Facebook de la radio. facebook.com/accroradio et dis-nous ce que tu sais faire. À bientôt! Just a state of mind. Flashback to the day. Ça valait 12 francs 95 à l'époque. Attention, le titre que vous allez entendre sort tout droit du gramophone à mémé. Ouais, mais je crois que le gramophone, ça va être toute la soirée, hein. Army now. Oh. Cusco, les amis, in the army now. Allez, pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à tous et à toutes sur Accro Radio. Allez, ce soir, on se fait une spéciale vinyle, comme j'aime vous faire de temps en temps. Et en baladant un petit peu sur mon tuner, il y a quelques jours de ça, j'ai entendu qu'une grande radio FM était la seule à vous proposer des vinyles en direct. Eh ben, ça me fait bien rire. Tu animes et tu recherches une web radio sympa? Ça tombe bien, Accro Radio recrute. Envoie-nous un mail à l'adresse recrutement@accroradio.com ou connecte-toi sur la page Facebook de la radio. facebook.com/accroradio et dis-nous ce que tu sais faire. À bientôt! Bon, les amis, vous savez toutes et toutes que. Dans certaines périodes de la vie, il y a eu des bonnes choses, comme il y en a eu des mauvaises, comme il y en a eu des mauvaises qui rappellent des bonnes choses et des bonnes qui rappellent des mauvaises choses. Enfin, voilà, il y a eu tout un tas de choses et le vinyle que je vais vous passer, alors d'ailleurs mon ami Bruno sur Facebook l'a reconnu, mais je vais pas vous dire le titre. Puis vous avez vu ce soir, je suis gentil, je vous mets un petit fond sur Facebook hein, pour que vous ayez un tout petit peu de son. Mais je vous conseille de vous connecter sur le www.accroradio.com pour avoir le son en stéréo, Dolby, machin truc, Prologic, Mephest, truc, enfin voilà. Et pour nous entendre bien surtout, parce que le son du vinyle passe super bien à la radio et doit être archi pourri sur Facebook. Donc je vous invite hein, sur le www.accroradio.com. Si vous n'avez pas envie de venir sur le chat, vous n'êtes pas obligé. Mais seulement je vous conseille de nous écouter via le player du site et pour avoir un meilleur rendu des vinyles que je vous passe ce soir, les amis. Bon allez, c'est cadeau, ça me fait plaisir. C'était la musique pourrie, oui et non, parce que cette musique rappelle pas mal de bons souvenirs quand même. Et c'est cadeau, ça me fait plaisir. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Faites comme les petits canards qui pour que tout le monde se marre remuer du popotin en son coin coin. À présent claquer du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous. Tournez seul la fête. Comme les girouettes, c'est super chouette, c'est extra fou. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gay refrain dans tous les coins. Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est le tube de demain. Coin, coin, coin, coin. Il suffit de fermer son bec en mettant ses plumes au sec. Liez les genoux, c'est bien. Et faites coin, coin. Ça y est, vous avez compris. Attention, c'est pas fini. Nous allons jusqu'au matin faire des coin, coin. Tournez, c'est la fête. Par-dessus. Chouette, c'est extra fou. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. À présent claquer du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain. Ouais. Et des coin coin. C'est la danse des canards. Pardon, excusez-moi. C'est bizarre, c'est terrible, comme tout. C'est dingue, c'est tout. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous. Tournez, c'est la fête. Par-dessus, dessous, comme des girouettes, c'est super chouette, c'est extra fou. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre remuez du popotin en son coin coin. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gai refrain dans tous les coins. Ne soyez pas en retard car la danse des canards c'est le tube de demain. Coin coin coin coin. Et voilà, et en plus derrière le vinyle il vous explique comment danser la danse des canards. Alors je vais vous la donner quand même hein, parce que il faut être sympa avec vous et j'ai envie d'être sympa avec vous les amis. Alors en petite 1, il faut se mettre face à face, main ouverte en forme de bec à la hauteur de la poitrine, fermée et ouvrée 4 fois. Petit 2, toujours face à face, main aux hanches, puis agiter les coudes 4 fois d'avant en arrière imitant un battement d'ailes. Voilà, écoutez bien ce que je vous dis les amis. Hein. 3, en pliant les genoux, redescendez votre postérieur en vous trémoussant gracieusement, puis redressez-vous pour le mouvement suivant. En petit 4, frappez dans vos mains en criant 4 fois, coin, coin, coin, coin. Petit 5, bras dessus, dessous, tournez vers la droite, changez de bras pour tourner vers la gauche, puis repartez au numéro 1. Bon amusement. Voilà, en gros c'est ça la danse des canards, hein, tu te fais pas chier, je vous ferai une photocopie de la pochette au pire à la limite si vous voulez. Et si vous avez envie de danser la danse des canards, et ben tout sera indiqué là, hein, voilà c'est marqué là, hop. Voilà, bon vous voyez peut-être pas bien sur Facebook mais tout est indiqué là les amis. Allez on est reparti, les géants de papier, Patrice, non Jean-Jacques Lafond, j'allais dire Patrice Lafond, non lui c'est Pyramide, enfin bon voilà. A tout de suite les amis. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable. Le mal et les démons de la vie, j'ouvrirai sur le chat www.acroradio.com. Ce soir, le son vinyle dans vos oreilles, exclusivement vinyle, sauf dans quelques instants où je vais faire une petite exception pour rendre un hommage à un grand monsieur de la chanson française. Rejoins-nous sur le chat pendant les lives sur le www.acroradio.com. Onglet le chat et viens participer aux différentes émissions en direct. Tu repartiras peut-être avec un cadeau. Ne t'attends pas une PS4, on est radin. Moi je m'occupe du reste ce soir. Allez, sur Accro Radio, on va rendre un petit hommage quand même à Jacques Higelin, les amis. Souvenez-vous, c'était ce petit morceau qui s'appelait Tomber du ciel. On va faire hommage ce soir, un petit hommage à notre manière. Tomber du ciel à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel. Tomber du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Tomber dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille de l'air fidèle. Tomber du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus mal? Tomber du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel. Tomber du sommeil, connaissance, retomber en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert, tombée comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages trafiquant n'importe. Les amis, voilà un petit hommage à notre manière sur Accro Radio. Non, mais t'es gentil. Tombé du ciel. Accro Radio. www.accroradio.com. Ah, ce soir, il y a du souvenir et en version vinyle, les amis. Il faut laisser le temps au temps, et nos amours auraient 15 ans, et nos pères seraient nos enfants, les nonnes seraient encore vivants. Il faut laisser le temps au temps, et elle m'aurait aimé sûrement, quand nous étions deux étudiants, deux oiseaux sur le fil du vent. Il faut laisser le temps parler librement. Il faut laisser les heures couler doucement. Il faut laisser nos cœurs chanter différents. Il faut laisser le temps, il faut laisser passer les nuits, les jours, les

nombreux à nous écouter ce soir et ça fait super plaisir. Pour tous ceux qui sont encore sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le www.acroradio.com les amis. Et j'avais promis à une auditrice que dès que je pourrais, je lui passerai un de ses titres préférés. Et bah gagné, je l'ai en vinyle en plus. Donc c'est cadeau, voilà, tout simplement. Je l'avais promis, chose due. Enfin, si je mets pas le bras sur le disque, ça va pas marcher. Hein. Voilà, ça va aller mieux tout de suite. Je vais la dédicacer à mon ami Fantôme. On en avait discuté lors d'une soirée précédente. On en avait discuté et quand j'ai retrouvé ça, j'ai pensé à lui tout de suite. Alors, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais allez, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Non, bon, Fantôme, c'est pour toi. Et tu me connais, quand je fais des cadeaux, c'est de bon cœur, hein. Quand tu pleures aussi ta peine, quand tu trembles, Mais on est quand même une des seules radios, une des seules web radios à vous passer du Nana Mouskouri en version vinyle quand même, les gars. Eh, quand même. Accro Radio, la seule web radio que les autres écoutent. Les autres écoutent. Bon, les amis aussi, je vais m'en excuser, mais voilà, pour tous ceux qui ont dans mes âges, hein, je parle de mon ami Sébastien, je parle peut-être d'Ulri, je parle à tous ceux qui sont de ma génération. Souvenez-vous, on a été bercés tous les matins par le Club Dorothée et toutes ces séries et émissions de merde, mais qui finalement étaient bien. Finalement, qui étaient bien parce qu'on était tous collés dessus. Et la musique qui va suivre, eh ben, ça fait partie de leur émission, ça fait partie du groupe de Dorothée, ça fait partie du groupe de tout ça. Et c'est la musique à la con que je vous propose maintenant, les amis. Monsieur le maire a décidé qu'il fallait s'amuser. Par arrêté municipal, il a ouvert le bal. On a débarrassé toute la place du marché. Quand la nuit est tombée, tout le monde s'est mis à danser. Antonin, la fille du pharmacien, nous avait préparé des pilules pour nous remonter. On les a avalées, ça nous a fait de l'effet. Minuit était passé, on continuait à danser. Les guerres a sorti son fusil pour tirer des coups, nous aussi. Les filles étaient pressées, on s'est pas fait prier. Ça nous a tellement plu que monsieur le maire sera réélu. Compte, il faut des années pour construire une radio, des années pour se faire une réputation, et vous passez les disques démusclés en vinyle, et ça nique tout en 10 secondes. Attention, le titre que vous allez entendre sort tout droit du gramophone à mémé. Ah, have ever kissed in the moonlight. If you never kissed, oh boy, what you missed in a South American way. For me, if it's a shame, please let me explain. For me, if it's a shame, means you're blind. For me, if it's a shame, again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even said Wunderbar, each language only help me tell you how grand you are. To explain, for me it's a shame. So kiss me and say you understand. Okay guys, grab your gal and hit the floor, cause here's that beat you've been waiting to swing to. Who's a loving daddy with the beautiful eyes? What a pair of lips I like to try and confide. I just tell my baby, won't you swing it with me? Tokyo tells you, baby, what a wing it will be. So I said, lady, darling, may I intrude? He said, don't keep me waiting while I'm in the mood. In the mood. Et je peine à vivre loin, loin de toi. J'ai de la folie plein les veines. Je vois, je suis sous le toit. Combien de temps? Sans un mot, sans une dame qui efface. Combien de temps, combien de temps? Et je vois, et je suis sous de toi. Combien de temps, combien de temps? Si on reste face à face, sans un mot, sans une dame qui efface. Combien de temps, combien de temps? Et je vois, et je suis sous de toi, sous de toi. Sur Facebook, Stéphane Echer avec Combien de temps. Bienvenue sur Accro Radio, les amis. Allez, on parlait de soleil tout à l'heure sur le chat. Eh ben, je vais vous en donner un petit peu là. We'll be right back. son de Cassave, les amis, avec Oulé. Bienvenue sur Accro Radio si vous venez de nous rejoindre. Ce soir, du son vinyle et rien que du son vinyle. Hop, j'avais le nez dans mes disques. Hop là, voilà. Allez, ça, ça va vous faire plaisir. Faudrait peut-être que je prenne mon micro sans fil, moi. Un petit morceau, ça va peut-être vous faire plaisir, je ne sais pas. Souvenez-vous, Ennio Morricone avec Il était une fois dans l'Ouest. Un petit souvenir comme ça. Radio, la seule web radio que les autres écoutent. Les autres écoutent. Si ce soir. Excusez-moi les amis, mais les disques ils ont mon âge, donc vous voyez comment est le bonhomme, bah vous voyez comment est le disque en fait, hein. C'est tout simple. À quoi je peux plus croire qu'est sûr, ni des autres maman. C'est bien ce que je disais. Rire, pas un géant, commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un autre disque, c'est pas grave. On va regarder ça après. Hop. Allez, tiens, je vais faire plaisir à mon ami Jojo qui est sur le chat. La dernière fois, je lui ai passé un vinyle. Il avait bien aimé. Et bah écoute, on va se faire ça tout de suite. Hop. Alors, il est là. Une. Voilà. Hop. Voilà. Ah, c'était pas prévu, hein. Le petit bug là, c'était vraiment pas prévu, mais le disque est très sale, donc forcément, ça va plus. Donc, on va se faire, c'est pas grave, on va se faire un vinyle, ça va être pour mon ami Jojo. Hop. Allez, j'envoie, on se retrouve juste après, les Jive Bunny, les amis. A tout de suite. I'm gonna sing my song. on va retenter le Patrick Bruel tout de suite, mais j'ai un doute, hein, franchement. Le disque, hein, je vous l'accorde. Mmh. Pardonnez, bienvenue sur Accro Radio ce soir, 100% vinyle les amis. Allez, on fait tourner le lien d'Accro Radio les amis. Je le disais en début d'émission, j'ai entendu certaines grandes radios FM dire que c'était les seules à passer du vinyle en direct. Bah j'ai un doute hein, là tout de suite. Quasi amor. che cosa avrai di più quando passerà. Il cuore si scatena, mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi disegnati sui metro confondono le linee, ti miro dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amore. Radio, la seule web radio que les autres écoutent. Bon les amis, je vais me faire un petit café et je reviens dans quelques instants. A sign of time. I lost my life, forgot to die. Like any man, a frightened guy. Memories inside a woolen glove, but I know I'm more than sad and more today. I'm eating words too hard to say. A single tear and I'm when gone. I need you,

les amis, souvenez-vous de ce morceau, Lerita Mitsuko avec C'est comme ça. Allez, vous êtes sur Accro Radio avec Bibi ce soir. Et on vous attend sur le www.accroradio.com. Vous qui êtes sur le Boubouk. Et vous qui nous écoutez via la radio. Venez nous voir sur le chat, ça fait toujours plaisir. Accro Radio est disponible à l'écoute depuis la Freebox Révolution, rubrique Web Radio, depuis iTunes, menu Internet Radio, rubrique Top 40, depuis la page Facebook d'Accro Radio, facebook.com/accroradio, dans la rubrique Écoute-nous, et bien sûr, sur le site de la radio, accroradio.com. Avec ma musique ou quoi, mais c'est chaud. Accro Radio, www.accroradio.com. Allez, un petit souvenir et on va voir qui c'est qui va me donner le nom sur le chat ou sur le Facebook, les amis. Bye.

Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron. Il m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. Il s'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en gros star. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. Les amis, est-ce qu'il y a des grands enfants sur le chat ou sur Facebook? Et si oui, ça va vous rappeler des souvenirs. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants. C'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux. N'est pas loin, car il suffit d'un peu d'imagination pour que tout auprès de vous pousse aussi fleur, ses rires et ses chansons. Voici venu le temps, les rires et les chants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux. Tout serait beaucoup plus gai et pour chacun la vie serait plus facile. Voici des rires et des chants dans l'île aux enfants. C'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux. Les enfants seront gentils, oui c'est un paradis. Et le soir, quand bien au chaud votre journée s'achève, vous pouvez nous inviter de nuit. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants. C'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux. Des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. La la la la la la la la la la. Ah, il saute un peu le disque, hein, j'avoue les amis. Aussi, hein. C'est toi. Quand je suis né à 13 heures, à la place d'une petite sœur, en bouleversant tes projets, j'étais déjà pardonné. À mon père, t'as dit je peux pas le refaire. C'est fou ce qu'il était fier. C'est toi qui m'as fait, qui m'as construit jour et nuit. Dans ton ventre gonflé, comme un bateau à quai sans bruit. Tu m'as tout. me voyais tellement beau. Partout t'as mis des photos. D'ailleurs aujourd'hui encore. Tu crois que je suis le plus fort. C'est trop grand comme tu m'aimes. Pourtant les jours de peine, c'est toi que j'appelle quand même. C'est toi qui m'a fait, qui m'a construit. Je réduis dans ton ventre gonflé comme un bateau à quai. Tout a pris. Ce soir, on repart vraiment dans le passé. Je vous fais voyager un petit peu. Et là, on va la faire plus calme, plus douce. Ça va faire du bien. Yeah. sème le soleil d'or. Ah, le désir super, on serait tous un peu frères, le soleil d'or. Le soleil d'or, de l'or intelligent, le soleil d'or. Même couleur aux gens, même couleur aux gens. Agroradio, www.agroradio.com. Le son 100% vinyle ce soir. Accro Radio, et je vous l'avais promis depuis un petit moment, l'inverse de la soirée vinyle ce soir. Pour tous ceux qui ne nous croient pas, hein, vous avez qu'à vous connecter sur la page Facebook d'Accro Radio et vous avez la vidéo tout simplement. Oh, oui. Vous voyez mes platines tourner, les amis. Or am I losing my mind? Or will you just be kind? Or am I losing my mind? Losing my mind. Losing my mind. Losing my mind. Losing my mind. Attention, le titre que vous allez entendre sort tout droit du gramophone à mémé. En train de me battre avec une mouche depuis tout à l'heure, c'est une catastrophe. Gazebo, I like shopping, les amis. Petit son à l'ancienne comme ça, bah, j'aime bien moi de temps en temps. Le son souvenir ce soir sur Accro Radio et c'est Bibi qui vous accompagne ce soir. Bienvenue les amis. Comme une envie de dire je t'aime, quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver tout haut,

Accro Radio. www.accroradio.com. C'était en 1988 avec Liverpool, les amis. Ça fait un petit moment que je vous ai pas passé une musique à la con. Bah oui, je m'en excuse, j'ai voulu faire bien. Et j'ai complètement oublié ce détail. Mais ne vous inquiétez pas les amis, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à tout d'ailleurs. Le disque qui va suivre, c'était en 1900, je ne sais plus combien. Enfin bon, ça date pas d'aujourd'hui. Allez, c'est souvenir, c'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est la musique à la con. La pêche au moule, moule, moule, je ne peux plus y aller, maman. Les gens de la ville, ville, ville, m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, ville, ville, m'ont pris mon panier, maman. Un dimanche, un beau matin,

Jean-Jacques Goldman. Et je vous l'avais promis tout à l'heure. Un des plus beaux slows qui ait jamais existé sur cette terre. Et c'est ce que disait, c'est ce qu'on disait, enfin c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le chat. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de musique comme ça, il n'y a plus de slow, il n'y a plus de tout ça. Et c'est bien dommage parce que ça, quand c'est sorti, ça a fait un carton. I never meant to call you when you're far off. I never meant to call you when you're pain. I don't want to watch that night see you laughing. Rejoins-nous sur le chat pendant les lives sur le www.agroradio.com. Onglet le chat et viens participer aux différentes émissions en direct. Tu repartiras peut-être avec un cadeau. Ne t'attends pas à une PS4, on est radin. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau

italiano vero. Ah, c'est joli quand même, hein. Vous avez de belle musique pardon, dans les années 80 aussi. Toto Cutugno, les amis, avec l'italiano. Allez, bienvenue à tous et à toutes. Allez, on est encore ensemble pendant 7 petites minutes. Hop là. Une petite dernière quand même. Ouais, une petite dernière. Voici Pacifique. Souvenez-vous de ça, les amis. Soleil avant de se quitter quand même. Allez, on se retrouve dans quelques instants, les amis. Des îles, je suis né sous le soleil. Du côté de Pointe-à-Pitre, la vie a un goût de miel. J'ai quitté la Guadeloupe pour aller à Ajaccio. Moi qui en avais plus de doute, la Corse est un pays chaud. Sacré Marius, moi je viens d'un pays chaud. Sacré Marius, moi je suis né dans ma peau. Sacré Marius, tout comme un poisson dans l'eau. Sacré Marius, au pied de la bonne mer, j'ai continué ma vie. J'ai connu la canebière et tous ces gens du midi. Je connais la bouillabaisse, la pétanque et la yoli. Car du côté de Marseille, on se fait beaucoup d'amis. Sacré Marius, moi je viens d'un pays chaud. Sacré Marius, moi je suis bien dans ma peau. Sacré Marius, tout comme un poisson dans l'eau. Sont fiers de lui. Je connais la joie de vivre car dans les bois de Magui, j'ai découvert l'Amérique. Dieu, quelle est belle la vie. Sacré Marius, sacré Marius, sacré Marius, sacré Marius, sacré Marius. Moi je viens d'un pays chaud. Le son de Marius Trésor qu'on va se quitter. Sacré Marius, j'espère que le son ce soir vous a plu les amis. Une petite session vinyle, je vous en ferai de temps en temps, voilà, histoire de se rappeler les bons sons qu'on pouvait avoir dans les années 70-80 et en plus avec les platines vinyles. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis pendant ces 3h30 de live. Et on se voit très très prochainement les amis. Je vous fais un gros poutou. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir. On se quitte quand même avec un dernier morceau années 90. Je vous fais un énorme bisou à tous et à toutes. Et on se retrouve bientôt. Je vous le promets. Allez, ciao ciao les amis. Bisous et merci de nous avoir suivis. Bye bye. Because